Alors, on reprend cette deuxième partie du cours sur une idée qui est proche, mais un peu distincte de l'idée de participation, qui est la notion de collaboration. Donc ici, ce à quoi s'intéresse davantage, c'est au principe en fait de coopération. Donc c'est, collaboration, c'est l'idée de travailler ensemble, vraiment au sens étymologique du terme. Et ce que l'on va essayer de voir, c'est quels sont les éléments qui, d'après les auteurs, caractérisent l'idée de collaboration, en tant notamment que coopération. Donc comme forme de action de travail collectif qui permet en fait d'atteindre un objectif de façon meilleure, de façon plus complète, etc. parce qu'on s'épaule les uns les autres et que donc les différentes qualités ou les différents apports des uns des autres vont faire en sorte qu'on va augmenter en fait notre résultat. Donc ici vous avez Lorna Hitton que j'ai mentionné, qui fait partie de la bibliographie d'aujourd'hui pour le cours, qui a notamment travaillé sur cette notion de collaboration en tant que coopération et qui a défini plusieurs termes clés, plusieurs concepts qui pouvaient servir à cerner, à étudier de façon plus fine l'idée de collaboration comme coopération sur les plateformes numériques. Alors, vous avez notamment le principe de conversation qui fait en sorte qu'il va donc y avoir une interaction axée sur un échange de contenu, un contenu qui traite d'un sujet ou d'un thème commun, pour essayer soit de trouver une réponse, soit de développer une pensée collective, soit d'échanger sur un sujet, de peut-être essayer de s'influencer les uns les autres. Deuxièmement, il y a l'idée d'activité, qui est donc qu'il y a une forme concrète de travail commun. Donc on fait une activité en commun pour qui va produire un résultat. Un écrit, une vidéo, une influence sur un groupe, etc., etc. La quatrième dimension à avoir en tête quand on parle de collaboration en tant que coopération, c'est celle de situation, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation de communication dans laquelle on se trouve, il va y avoir des degrés de collaboration et des degrés de coopération qui vont être plus ou moins adaptés et qui vont être plus ou moins efficaces. Selon que la situation, par exemple, est conflictuelle, selon qu'il y a des degrés de hiérarchie très fortement existants ou pas, selon qu'il y a des rapports de pouvoir, selon qu'il y a la recherche d'influence comme étant une priorité ou pas, par exemple. Autre caractéristique à regarder lorsqu'on s'intéresse à la collaboration, c'est le caractère structurant des dispositifs matériels, c'est-à-dire en fonction de la plateforme ou du dispositif numérique sur lequel on travaille, que l'on soit sur Moodle par exemple avec un forum de discussion ou un endroit où on peut aller déposer des textes ou dans un Google Document ou dans un sondage Doodle ou sur Facebook, Twitter, etc., etc. Selon donc le type de plateforme où on va travailler, il va y avoir des structures qui vont varier. Mais chaque plateforme va en tout cas donner lieu à une certaine structure qui fait qu'on va avoir par exemple une autorisation de modifier le document ou on va avoir simplement une autorisation à le lire, qu'on va pouvoir donner accès à d'autres personnes ou pas, qu'on va pouvoir donner en référence l'hyperlien à quelqu'un d'autre ou pas, etc., etc. Donc ça, ce caractère structurant des dispositifs matériels, en fait, il va servir donc à un petit peu définir les règles ou les normes de fonctionnement de la coopération qui vont faire en sorte que, par exemple, on va pouvoir tous travailler ensemble sur un même document en même temps ou au contraire, qu'on va l'un prend le travail sur le document à tel moment, donc à le lead à tel moment. Quand il a terminé, il doit avertir son collègue qu'il a fini et que l'autre peut commencer, etc. Est-ce que vous avez des questions? Dernière dimension à ce sujet-là, c'est qu'il y a une visibilité des interrelations entre les usagers et les dispositifs. C'est-à-dire que, par exemple, si on travaille sur un Google Document en même temps, on va voir tout ce que les traces, en fait, que les autres participants, que les autres coopérateurs ont, les autres coopérants, ont laissé, en fait, lors de leur travail. Donc, on va voir les commentaires, on va voir les corrections, on va voir l'intervention, quelqu'un qui a effacé quelque chose, etc. Donc, il y a des traces, en fait, des différents efforts qui sont fournis par les différents acteurs sociaux participant à ce travail collectif. Alors, le deuxième texte que vous aviez à disposition pour aujourd'hui, c'est un texte qui porte justement sur une expérience de travail collectif ou du moins de travail à plusieurs, et qui s'intitule « Travailler à haute voix sur Twitter quand la collaboration informelle emprunte un réseau public ». Donc, ce texte-là, c'est un texte qui a été écrit par une chercheure québécoise qui s'intéresse au travail, en fait, dans les organisations et à l'organisation du travail, à son évolution, notamment en faveur ou en fonction des évolutions technologiques. Donc, comment les organisations, les entreprises, les institutions privées, etc., vont intégrer du matériel technologique dans les façons de travailler, vont les imposer à leurs employés ou pas, et comment les employés vont utiliser ou pas certains canaux de travail plutôt que d'autres pour justement travailler en collectif, donc essayer de travailler en équipe ou d'être plus efficace, de davantage avoir recours aux qualités de leurs collègues. Alors, dans ce texte, Claudine Bonneau fait notamment allusion à un concept qui s'appelle l'affordance. Ce concept d'affordance, est-ce que c'est un concept que vous aviez déjà vu ou rencontré dans des lectures, dans des reportages ou autre? Donc, si vous deviez le définir à partir des éléments que donne l'auteur dans son texte, à quoi, d'après vous, ça correspond ou quelle est la définition de cette notion d'affordance? Quelle est votre hypothèse, d'après le terme en lui-même, de ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc là, c'est l'accès plus facile aux données que permettraient les réseaux, plus que par rapport à d'autres techniques. Non, mais enfin, c'est pas compliqué. je réfléchis. D'accord. Donc on se revoit pour la suite dans quelques instants. Est-ce qu'il y avait une autre proposition? Je me souviens pas de comment on définissait dans le texte, mais je suppose que c'est effectivement sur les possibilités que aussi offre les différentes possibilités et structures de collaboration qui sont réalisables. Alors, Alors, mesdemoiselles en haut, vous êtes en train de discuter du concept d'affordance, j'imagine. Oui. Donc, alors, quelles sont vos conclusions sur ce concept ? Merci. Donc, l'idée d'affordance, c'est en lien effectivement avec des capacités qu'ont les outils, notamment numériques, mais avant ça même, c'est un concept en fait qui a été développé à la fin des années 70 par un auteur qui s'appelle Gibson. Et en fait, il faisait référence, G-I-B-S-O-N, il faisait référence à la capacité qu'un objet avait de suggérer sa propre utilisation. Donc la capacité qu'un objet a de suggérer sa propre utilisation. Autrement dit, c'est par exemple quand je vois une chaise, a priori, je l'associe au fait que ça m'incite à aller m'asseoir sur la chaise. Dans l'idée du numérique, donc en transposant ça au numérique, il y a un lien avec le fait que différents outils numériques, supports numériques, logiciels, etc., en fonction de la manière dont ils se présentent, vont suggérer de les utiliser d'une façon plutôt privée, plutôt publique, qu'on peut les utiliser à plusieurs ou que c'est plutôt des outils personnels, etc. Donc cette notion d'affordance, en fait, c'est toutes les indications, tous les indices qu'une plateforme numérique, donc par transposition du concept de Gibson au monde numérique, des indications qui vont être données aux utilisateurs de comment on doit utiliser la plateforme. Et donc, c'est ce qui va faire en sorte que les usagers vont s'approprier d'une certaine manière la plateforme et vont l'utiliser en premier lieu d'une certaine manière, puis après ça d'une autre. Dans Claudine Bonneau faisait mention de ce concept d'affordance, c'est donc pour montrer comment au départ un dispositif numérique va nous dire, va nous suggérer donc une certaine utilisation et comment après il va avoir une capacité potentiellement créative des usagers pour peut-être un peu contourner l'utilisation ou utiliser différemment. Elle a justement utilisé Twitter comme sujet d'étude pour voir comment les employés d'une entreprise allaient en fait utiliser ce canal de communication qui est extérieur à l'entreprise pour différents usages relatifs à leur travail. Donc en fait, ils s'en sont servis comme outil de coopération, mais de manière, en fait, de leur propre initiative. En fait, ce que Claudine Bonneau a remarqué d'original, c'est que généralement, les entreprises mettent à disposition des employés des outils techniques ou des outils numériques qui sont internes. Donc il y a un intranet, il y a des forums privés de discussion, il faut des mots de passe pour y aller, etc., etc. Ce sont des espaces qui sont identifiés comme appartenant à l'entreprise. Or, ici, en fait, ce qu'elle a observé, c'était que les employés avaient eu recours à une plateforme publique comme Twitter pour se faire passer de l'information sur certains projets. Et potentiellement, en fait, que cette participation-là, cette utilisation-là de Twitter, ça leur avait permis d'avancer leur travail. Donc, Bonneau a mis en lumière quatre types d'usages liés à la collaboration, notamment sur Twitter. Donc, ces quatre usages-là, là, je résume un peu ces quatre usages qui sont présentés dans le texte. Mais il y a d'abord que certains employés, utilisaient Twitter pour raconter, narrer le travail qu'ils étaient en train de faire. Par exemple, aller mettre un petit message pour dire « en train de rédiger la conclusion du rapport annuel, bientôt fini, ou hâte d'en finir, etc. » Donc en fait, ils décrivent de manière courte ce qu'ils sont, la tâche qu'ils sont en train de faire au sein de l'entreprise. Ou par exemple, très content de, d'être en train de créer le design de notre future campagne. Ça, c'est la première, le premier type d'usage qu'elle a remarqué. Le deuxième, c'est que les employés, en fait, partageaient des traces de leur travail. Par exemple, ils allaient prendre en photo un schéma concernant un projet collectif ou un plan de travail ou la trace d'un brouillon d'une réunion, etc. pour un peu, en fait, faire un clin d'œil au fait que première réunion de travail avec une photo d'un schéma avec plein de flèches partout pour montrer que ça avait été extrêmement intense, que tout le monde avait mis du sien, etc. Donc, en fait, ils essayent d'illustrer une partie du travail qu'ils ont fait. Donc ça, c'est partage des traces de leur travail. Le troisième usage qui était fait de Twitter, donc outil extérieur à l'entreprise par les employés, c'était la diffusion d'intentions. C'est-à-dire que, par exemple, on annonçait qu'on allait bientôt se lancer dans, en préparation, par exemple, d'une nouvelle campagne pour l'année 2018. Et trois petits points à suivre. Donc en fait, c'est plutôt une espèce de mise en suspense d'une tâche ou d'un travail qu'ils vont avoir à réaliser en collectif. Et la dimension collective, elle s'exprimait dans le fait qu'ils allaient, par exemple, taguer les participants au groupe de travail qui allait donc réaliser ce projet-là. La quatrième forme de collaboration qu'elle observait dans Twitter, c'est le questionnement que des employés allaient lancer à la foule, ou en tout cas à la foule au sens de les gens qui sont abonnés à leur compte et potentiellement les abonnés de leurs abonnés. Donc là, ça peut être un conseil sur un logiciel gratuit ou une idée, ou ça peut être de partager entre eux tel mot ou tel autre, entre telle idée, telle autre, laquelle préfériez-vous, etc., etc. Donc ça, ce sont des usages que les employés, en fait, ont d'eux-mêmes développés et qui n'ont pas du tout été guidés, demandés ou contraints par l'entreprise. Sur le questionnement lancé sur la dernière... le dernier type de tâche en fait que l'on voyait exercer sur Twitter, on peut rapprocher ça du crowdsourcing, donc de cette donc de la requête qu'on adresse au public pour soit répondre à une question, soit pour nous donner une idée ou nous fournir donc soit une idée, soit du contenu. Un peu plus tôt, j'ai parlé de crowdfunding en parlant de la participation. J'ai présumé que vous connaissiez le terme, est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas ce terme-là, qui souhaiteraient qu'on développe un peu? Alors si quelqu'un, pour le bénéfice de tout le monde, est-ce que quelqu'un peut expliquer dans ses mots ce qu'est le crowdfunding? Oui. C'est faire un appel au financement par la foule. Appel au financement par la foule, oui. De façon... Oui. Pour réaliser un projet. Pour réaliser un projet. Oui. Sur les réseaux. Sur les réseaux. C'est donc bravo. Donc appel à la foule pour financer un projet sur les réseaux. Effectivement, donc il va y avoir des plateformes spécifiquement dédiées au crowdfunding où en fait des collectifs ou des individus peuvent s'inscrire leurs projets et en fait avec un bref argumentaire, essayer d'encourager le public de façon le plus large possible à donner de l'argent pour soutenir leur projet. Et souvent, donc, soit on donne de l'argent directement, soit il y a des espèces de concours qui vont faire que celui qui obtient le plus de likes sera le projet qui va être classé premier et qui peut-être pourra bénéficier d'une bourse, etc. Et c'est donc cette idée d'appel à un soutien collectif sur le plan d'une réalisation plutôt matérielle. En fait. Et ici, ce que l'on appelle le crowdsourcing, c'est donc une... on voit qu'il y a la même racine de cette donc crowd de la foule, de la population. Donc si vous deviez définir le crowdsourcing... Oui ? C'est pas vraiment faire l'appel à un financement, mais plutôt un contenu ou une aide pour créer justement le projet, mais surtout au niveau contenu, moins le financement. Oui. Donc c'est un appel aussi à un collectif. Est-ce que... Il y avait une dimension que vous voulez ajouter ? Non, mais c'était un peu pareil, mais pour avoir des informations. En fait, ici, effectivement, ce qui va caractériser le crowdsourcing, c'est qu'on utilise la population, le collectif, pour obtenir de l'information ou du contenu. Contrairement à ici, où on va chercher essentiellement des fonds ou un soutien matériel. Donc, dans le crowdsourcing, ça, c'est, je vous donne la définition un peu large, mais c'est, on passe également par des réseaux ou des plateformes numériques pour faire cet appel-là. Et les entreprises, notamment, vont utiliser le crowdsourcing pour, par exemple, je pense que j'en avais parlé la semaine passée, mais lorsque un média invite ses spectateurs ou ses lecteurs à lui transmettre, n'hésitez pas à nous transmettre vos images, etc., ou à nous signaler un événement que vous auriez repéré, qui serait intéressant, etc. On est dans le crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on demande à la population de nous alimenter, en fait, d'alimenter une entreprise en termes d'idées, de contenu, d'informations. C'est aussi, je pense que je l'avais évoqué la semaine passée, quand je cherchais l'équivalent français du mot croustille pour certaines marques comme Doritos. Ça existe Doritos ici ? Oui. Ok. Ça existe où ? Donc très bien, donc, c'est très bien que ce soit multinational. Donc Doritos, par exemple, a fait plusieurs fois appel au public, aux consommateurs, pour décider du prochain parfum, enfin du prochain arôme, des prochains chips. Qui allait être mis en production et distribué. Donc ça aussi, là aussi on est dans le crowdsourcing, où quand on va demander, par exemple, on fait appel à vous, c'est, vous, enfin, ayez la chance, ça c'est québécois, courez la chance, en français, je sais plus. Oui, ayez l'opportunité, merci, de dessiner notre prochain logo. Et là, on va en fait faire appel à la population pour qu'elle propose des designs, des extraits de logos, etc. On va dire, ben, le vainqueur remportera des Doritos à vie gratuitement, le parfum de son choix. L'enjeu qu'il peut y avoir là-dedans, c'est qu'en fait, dans le crowdsourcing, il y a le côté, bon, on s'appuie, on donne la parole, on donne une valeur aussi à ce que les consommateurs, le public, les clients peuvent avoir comme idée. Mais ça veut aussi dire potentiellement qu'après ça, l'entreprise, elle utilise une création ou une idée venant de quelqu'un du public qui n'est pas son employé, qui n'est pas rémunéré pour ça, et qui, même si l'employé dispose de chips à vie gratuitement, ça ne va pas compenser les droits d'auteur sur une création intellectuelle en tant que telle. Donc il y a tout un débat aussi par rapport à cette participation à du contenu qui va être utilisé après ça par les entreprises, débat sur comment est-ce que le don, la contribution que l'on va faire à une entreprise va être rémunéré à sa juste valeur, va être reconnu en tant que travail. ce que l'on peut retenir aussi du texte de Claudine Bonneau, c'est que pour du travail collectif ou du travail d'équipe fait au sein d'entreprise, souvent l'utilisation d'outils hors entreprise, comme Twitter, vont être plutôt pour des collaborations informelles, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout commandés par l'entreprise, c'est pas du tout l'entreprise qui a dit aux employés « allez parler de nous sur Twitter et dites qu'on est en train de travailler sur la campagne », c'est plutôt donc de l'ordre de quelque chose d'informel et c'est plutôt de l'ordre ponctuel aussi. Et bien sûr, ça c'est relié à des enjeux, avec des enjeux de visibilité, visibilité des employés, de ce qu'ils font aussi, c'est la visibilité du travail qu'on fait qui fait que généralement on ne raconte pas toutes nos tâches qu'on fait dans la journée nécessairement à notre entourage, c'est une trace de ce que l'on réalise, de ce que l'on produit dans la journée, et c'est également une visibilité aussi qu'on accorde à l'entreprise, donc ça peut être un bénéfice aussi pour l'entreprise, quelque part on est un peu ambassadeur finalement de notre entreprise, de la marque. Je voulais ajouter quelque chose à ça. Oui, c'est que ce à quoi les... Donc d'un côté, ça peut être vu comme un avantage pour l'entreprise. D'un autre, ce que certaines entreprises redoutent ou surveillent aussi, c'est que c'est une prise de parole publique qui ne fait pas partie donc, de l'interne de l'organisation, des outils internes de l'organisation. Donc elle ne régule rien, elle ne contrôle pas ces plateformes-là. Et que l'utilisation de ces plateformes, ça réduit en quelque sorte un peu les frontières de l'organisation de l'entreprise, puisqu'elle n'est plus donc dans un cadre délimité de tel lieu, tel parking, telle salle de réunion, etc. Là, on arrive sur la place publique avec des projets, des façons de faire, des noms, etc., qui concernent finalement de l'information interne. Donc il y a à la fois... Une vision de la part des entreprises qui voient comme un avantage potentiel l'utilisation du numérique hors de l'entreprise par les employés et en même temps une certaine méfiance aussi ou une certaine prudence sur quoi dire, quoi ne pas dire, quoi laisser dire à ses employés. C'est par exemple certaines entreprises qui vont envoyer des directives à leurs employés pour leur dire d'éviter de poster sur Facebook certains types de photos, etc. pour ne pas nuire à l'image de marque. Donc il y a aussi cette préoccupation pour un manque de contrôle qui pourrait survenir. On a dans le texte, je pense, de Nimesh, il était aussi question des liens faibles et des liens forts. Cette question de liens faibles et liens forts, on l'avait déjà abordée dans un cours précédent. C'est qu'en fait, comme je vous mentionnais à propos du crowdsourcing, où se posent par exemple des questions de comment on reconnaît de façon tangible l'apport du public, de personnes extérieures à l'organisation, avec leurs idées, etc. Donc comment on quantifie ça, comment on reconnaît ça en tant que travail. Il y a donc des préoccupations économiques, en fait, par rapport au numérique, par rapport à ce qui est produit sur les espaces numériques. Dans leur texte, donc, Nimesh and Co., parce que j'ai oublié le nom des autres auteurs, mentionner notamment la théorie des liens faibles développée par Granovetter. Alors, si vous devez résumer cette théorie-là pour un peu réviser ce à quoi elle fait, ce qu'elle implique, qui s'en rappelle ou qui veut essayer de dégager l'idée principale de cette théorie ? Oui, votre prénom c'est ? Julie. Personnes ont un lien fort avec une même troisième personne, alors elles ont un potentiel lien faible. Oui. En fait, et puis est-ce qu'il y avait un ajout? Les liens forts, c'est en fait des personnes qu'on connaît bien, des personnes de notre environnement direct. Oui. Et les liens faibles, c'est oui, des connaissances à ces personnes-là, et que donc on connaîtra un peu via. Oui. Donc en fait, je répète pour peut-être plus haut, vous entendez moins. Ce qui est appelé lien fort, c'est donc qu'on vous rappelait, ce qui fait allusion au lien de proximité, proximité proche, de première proximité, autrement dit, notre famille, nos amis de longue date, nos amis très proches, c'est notre entourage vraiment primaire, notre entourage proche. Ce qu'on appelle les liens faibles, c'est plutôt donc des connaissances, voire des liens que nos liens forts ont, mais que nous, on n'a pas forcément. Donc on sait que, par exemple, on a dans notre entourage quelqu'un qui travaille au Parlement européen, mais nous, on ne le connaît pas. Mais par contre, si à un moment donné, on veut chercher un stage, on sait que peut-être, on peut demander à notre ami qui connaît la personne de nous mettre en contact avec cette personne-là. Donc, autrement dit, quand on est justement en lien avec quelqu'un qui est en lien avec quelqu'un d'autre, on a un lien indirect potentiel avec cette personne. Et donc, l'étude, effectivement, notamment de Granovetter, c'était par rapport à la recherche d'emploi, qui était un exemple type, où quelqu'un qui fait uniquement appel à ses liens forts, peut tout à fait réussir à trouver un emploi, mais en fait se dote de moins de chances que quelqu'un qui fait à la fois appel à ses liens forts, mais aussi aux liens faibles. Donc il va aller vers potentiellement des gens qui ne connaissaient pas forcément, mais qui par lien indirect en fait sont liés à des gens que lui connaît. Et ça fait justement partie d'une préoccupation en fait, d'une vision économique aussi des espaces numériques, dans le sens où on a beaucoup plus de potentiel d'avoir des liens faibles, parce qu'on a un potentiel aussi d'archiver nos liens au fur et à mesure, notamment avec Facebook, où on peut, selon les endroits où on étudie, où on habite, etc., finalement, superposer notre calepin d'amis ou de contacts ou de connaissances au fur et à mesure et en garder une trace à un endroit commun. Ce qui multiplie en fait le potentiel, enfin ce qui multiplie notre capital social aussi en passant, mais qui multiplie le potentiel d'avoir un nombre de liens faibles plus grand. Donc ça ne veut pas forcément dire que tout va fonctionner et plus on a de... Plus on a de contacts et mieux c'est forcément, mais par contre, il y a donc cette préoccupation pour la dimension économique. Dans leur texte, Nimesh & Co. faisait allusion à l'homo economicus. C'est vraiment une interrogation sur justement le potentiel d'efficacité, sur les gains aussi qu'on va obtenir en ayant participé, collaboré, existé sur le numérique. Cette préoccupation pour les dimensions économiques, elle se retrouve dans ce que l'on appelle les théories de l'encastrement ou embeddedness, qui sont en fait des théories dans lesquelles on va mettre l'accent sur à la fois le réseau relationnel dont on dispose et à la fois la structure des réseaux dont on dispose, c'est-à-dire notamment où c'est que nous, on se situe dans ces structures-là. Et l'ensemble de nos positions dans la structure plus les relations dont on dispose, donc de ces deux types de réseaux, va faire en sorte qu'on est intégré, encastré, dans une certaine configuration en fait économique. C'est clair, c'est pas clair. Non. Donc en fait, quand c'est pas clair, n'hésitez pas à le dire parce que j'essaie de décrypter les sourcils froncés, tout ça, mais c'est pas toujours évident. Alors, si je reprends, encastrement, ça veut dire que on va avoir il y a une certaine configuration, à partir de l'idée de configuration économique, dans laquelle on se tient, dans laquelle on est inclus, dans les espaces numériques. Cette configuration économique, c'est-à-dire qui va être par les chercheurs, en fait, on va chercher à quantifier notre valeur, la valeur dont on dispose, etc. La semaine passée, je vous parlais du clout. Vous voyez quand j'écris là ? K-L-O-U-T, qui est un logiciel qu'on peut mettre en lien avec, par exemple, nos différents comptes médias sociaux et qui va calculer notre qui va nous attribuer un chiffre comme potentiel d'influence qu'on va avoir. Donc c'est une quantification en fait qui va être possible sur notre potentiel d'influence. Ça ne veut pas dire que c'est juste à 100% que ça reflète notre réalité tant que ça, mais par contre, ça fait partie donc des outils de calcul qui vont être utilisés sur les espaces numériques parce que tout peut être potentiellement quantifiable. Et donc, ça fait partie de préoccupations économiques de attribuer une valeur chiffrée aux gens, à leur réseau, à leur relation, à leur position, à leur statut, etc. Donc, pour revenir à cette idée de embeddedness, ce sont les théories qui vont s'intéresser à la fois à notre appartenance donc à un réseau relationnel et en même temps à notre position dans la structure de ces réseaux. Donc, autrement dit, j'ai plusieurs réseaux, enfin j'en ai un sur Facebook, un sur Twitter, un sur LinkedIn, etc. Dans tel réseau, je suis plutôt en retrait et je ne m'exprime pas très souvent. Dans l'autre, je suis considérée comme un leader d'opinion. Dans l'autre, j'ai un statut de modératrice ou de gestionnaire du compte. Donc, je vais avoir des places en fait différentes. Et sur cet ensemble-là, je vais avoir un réseau de relations qui est plutôt restreint, ou au contraire, qui est plutôt très large en termes de zone géographique, en termes de nombre de personnes, etc. C'est ce qui va faire que je vais être, donc, on va prêter attention à l'encastrement de ces dimensions à la fois du réseau relationnel et aussi de notre position dans la structure de ces réseaux-là. Ça va, c'est plus clair pour ça ? ok, on pourra y revenir aussi dans le cours, dans l'un des cours suivants. Mais ce sur quoi en fait je voulais conclure aujourd'hui, c'est donc là on a parlé aujourd'hui de participation, collaboration, comment les acteurs sociaux peuvent utiliser les outils de leurs entreprises pour collaborer ou montrer ce qu'ils font. On a vu aussi dans l'idée de participation davantage ce qui était de l'ordre de la recherche, de la reconnaissance, de l'existence, de l'appartenance à des communautés, qu'il y a diverses sortes de communautés aussi que l'on va trouver en ligne. L'une des questions est pour arriver à la question de évaluation quasiment économique de nos valeurs en ligne, de nos actions, de nos existences en ligne. L'une des questions qui traverse aujourd'hui les recherches sur la communication et le numérique, c'est cette idée, cette interrogation sur est-ce qu'on serait devenu, avec la prolifération des outils et des objets numériques qui nous entourent, un homo numericus, au sens où, en fait, notre fonctionnement, notre logique humaine, se serait adapté finalement à ces objets-là, et qu'il y aurait donc une nouvelle façon de nous définir qui devrait être envisagée. Alors ici, bon, bien sûr c'est beaucoup plus nuancé que cette question que je vous pose de façon très, très résumée, synthétique, mais je vous ai mis en référence en fait un débat vraiment intéressant, j'ai même hésité à vous le diffuser, mais il est juste audio et il dure 1h30, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais par contre, je vous encourage à aller garder du moins cette référence et aller le voir, aller l'écouter plutôt peut-être un jour. Mais c'est un débat sur cette idée de l'homo numericus sera-t-il libre, au sens où c'est une interrogation sur notre degré de dépendance au numérique, mais aussi potentiellement à ce que ça a pu changer dans notre fonctionnement et notamment dans ce débat-là. Il y a une discussion, ou plutôt un éclaircissement sur l'idée que ce que l'on appelait en sciences de l'information et de la communication les NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, terme ou acronyme que l'on trouve encore assez souvent quand même dans la littérature publiée, ce serait un terme déjà complètement à bannir puisque aujourd'hui, plusieurs générations n'auront jamais connu autre chose que les technologies numériques comme faisant partie du quotidien. Donc, alors que nouvelles technologies, ça faisait vraiment référence spécifiquement à ça. Donc en fait, ce qualificatif de nouvelle, on aurait plutôt avantage à le laisser tomber dans nos réflexions sur les enjeux numériques de la communication. Deuxièmement, c'est ce que souligne, ce qui est souligné dans ce débat, c'est l'idée de réalité augmentée, qui est donc que, en fait, tout ce qui nous accompagne, nos tablettes, on dit tablettes hein, ici aussi, nos tablettes, nos GSM, nos portables, etc., fait en sorte qu'on a toujours des prolongements ou des ajouts qui vont documenter, donner des traces, doubler en fait la réalité à laquelle on a déjà accès. Donc il y a une multiplication en quelque sorte des formats de réalité qui nous entourent et qu'on trimballe avec nous. Donc selon Jauré Guibéry, auteur que l'on va revoir dans quelques cours ensemble, on est donc dans un quotidien qui est hybride, et dans laquelle il n'y a pas une coupure en fait entre d'un côté le numérique qui serait complètement extérieur à nous et d'un autre côté une vraie réalité concrète, etc. C'est que notre quotidien, il intègre clairement en fait cette réalité démultipliée ou plutôt multiplement documentée dont on s'entoure. Et les derniers éléments sur lesquels je voulais insister, c'est justement aussi émanant de ce débat-là, l'idée que il y a une confusion, peut-être une absence de conscience parfois, du fait que de ce qui est de l'ordre de l'information humaine et de ce qui est de l'ordre de l'information émanant d'objets. L'exemple qui est donné au cœur du débat, c'est notamment l'idée que un sondage qui avait été fait, des personnes qui avaient répondu que payer ou subventionner davantage d'envois de satellites pour avoir des précisions météorologiques plus grandes, ça ne servait pas à grand chose, parce que la météo, en gros, on allume la télé et on l'a, donc ça ne vaut pas la peine de payer plus. Et en fait, donc pour les personnes qui avaient répondu, entre autres, en gros, la météo, c'était la dame à la télé qui donne la météo et qui a la météo issue de Météo France ou Météo Belgique. Il y a un organisme de météo ici. C'est quoi? Comment ça s'appelle? IRM. IRM, ok, merci. Donc, et que en fait, du coup, ce sont des ingénieurs ou des personnes au sein de ces organismes-là qui auraient donné l'information à la personne qui va travailler sur l'émission, puis la retransmettre. Mais en fait, c'est que la façon dont nous est présentée l'information, dont nous sont présentées certaines informations, oui, elle est donnée par des humains, mais cette information-là, à l'origine, a pu être récoltée plutôt par des objets. Et que donc il y a tout un courant de la sociologie qui s'est aussi intéressé plutôt à l'information comme devenant quasiment l'apanage des objets et contrôlant la façon dont nous on définit le monde, et etc. Mais il y a aussi une nuance à faire qui est de ne pas sacraliser les objets, dans le sens où, oui, les dispositifs ils vont influencer peut-être la façon dont on va utiliser. Si j'ai un Mac ou un PC, je n'utilise pas de la même façon de taper le clavier. Mais par contre, il y a quand même, comme on l'a vu, ce potentiel d'appropriation, de créativité, de nouvelles, de détournement, etc., de la technologie qui est possible. Et dernière interrogation, c'est le fait qu'en ayant ces objets-là, qui nous prolongent, on les utilise souvent pour nous aider en fait à avoir par exemple notre liste de contacts, nos numéros de téléphone, et on ne les apprend plus par cœur parce que on les a là, on les a ailleurs, etc. Et donc la question qui s'est posée, c'est est-ce que le numérique nuit au travail de la mémoire ou est en train d'amoindrir finalement nos capacités à mémoriser des informations parce qu'on utiliserait moins notre mémoire. La réponse des chercheurs, c'est que en fait, on utilise de façon différente notre mémoire, qu'on la compartimente aussi de manière différente grâce au numérique notamment, mais que par contre le numérique permet de nous la faire travailler d'une autre façon. C'est ce sur quoi on reviendra notamment en introduction de la prochaine séance. D'ici le prochain cours, je vous rappelle donc de vous inscrire aux listes des groupes d'ici lundi maximum 17h et sinon d'ici là je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Merci.